Monsieur Farrell, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je souhaiterais m'adresser à Mila. J'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Si tu as souffert par ma faute, je te demande pardon.